Radiomatic. C'est avec le groupe autrichien Dargard que les sonoristes ont décidé d'amorcer cette transmission 293 d'Audiomatique. Extraite du premier album de Dargard intitulé Eternity Rites, paru en 1998, nous entendions la chanson Down to the Halls of the Blind. Les sonoristes vous offrent maintenant de tester l'amplitude des sons à travers une séquence musicale qui perdurera dans le temps. À Audiomatic, cette séquence musicale de plus de 25 minutes se terminait sur la musique de l'artiste John Hopkins, de qui nous écoutions la pièce Everything Connected, tirée de son plus récent album intitulé Singularity, paru en 2018. Avant John Hopkins, c'était le projet S. Dana de l'artiste français Vincent Villuy, et la pièce New Far Log tirée de son nouvel album Inks, paru à la fin de l'année 2019. Et pour amorcer cette séquence, c'était la formation Zero Degree et la pièce Connecting Dots, apparaissant sur leur dernier album Stasis, publié en 2014. Audiomatix continue maintenant avec le groupe Cha Cho Mouse. So here I am. Smoking gun, lunchbox, fight, football, fun, Volvo, stop, acid, tin can, rain, lifetime, stop, chainsaw, back pain, cranberry, in vain, pocket, overnight, achiever, stop, stress, head, receiver, state, stop, investigate, cucumber, computer, mind, crime, slumber, valentine, war, control, machine, freak, swallow, roommate, buy, stop, lack of, start, compassion, too late, virus, gardening, toilet, death, wonder, silicone, plumbing, implant, baby, car wash, seal, brain flush, brush, skeleton. I'm gonna go get some more. En conclusion de ce segment musical à Audiomatique, nous vous avons présenté l'artiste norvégienne Anne Ukelberg et sa chanson « Bubble » tirée de son premier album « Little Things » lancé en 2004. Précédemment à Anne Ukelberg, nous entendions « Quant », le projet du Suédois Jonas Quant et sa composition « Murder Ice Cream Foreplay » à laquelle participe son compatriote Marcus Jahn. Cette pièce est parue sur le premier album de Quant, intitulé Quantastical Quantism, commercialisé en 2000. Et pour débuter, le groupe Cha-Cho Mouse nous interprétait la chanson Dead on 4 de leur premier album Photosynthesizer, sorti en 1998. Nous mettrons un terme à la transmission 293 d'Audiomatique avec le groupe français Collection d'Arnel Andrea, de qui nous entendrons la chanson Wild Trees, qui est tirée de l'album The Bower of Despair, paru en 2004. La fin de la transmission 293 d'Audiomatique n'est qu'une anticipation pour le début de la transmission 294, qui sera d'abord diffusé mercredi prochain dès 17h sur les ondes de CIFU 89.1 FM, avant d'être ensuite placé dans nos archives accessibles par l'entremise de nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU. Voici Collection d'Arnel Andrea et la chanson Wild Trees. C'était Audiomatique avec... Les sonoristes.